On va tout de suite passer à la quotidienne méditation intranquille. On a, comme à notre habitude maintenant, chère et précieuse, la grande joie d'accueillir Ravifère X pour ce moment qui est aujourd'hui avec une invitée que je te laisse présenter si ça te dit, le micro est ouvert. Bonjour. Alors aujourd'hui, après 5 sessions de méditation intranquille, de duo et trio d'improvisation, j'ai le plaisir de présenter mon amie Dagmar, qui est avec nous ce matin, accompagnée de son violon et de sa voix, peut-être. Pour ma part, je suis Révi Férix et inlassablement munie de mon lyre à 8. Belle écoute. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Merci Blavie Ferrix, merci Dagmar. Désolée pour cette... vous étiez bien concentrés. Puis on a dû un peu vous faire un signe comme ça parce qu'il y a le partage d'écoute qui va commencer maintenant. Trop désolé. Après, vous pourrez refaire même sans que ça soit broadcasté, mais vous pourrez continuer si vous voulez. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Et...